بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد والأهل وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فاليوم سنكمل هذا الباب من الكتاب إن شاء الله. Ce chapitre qui est relatif à la croyance et à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec la dernière question. Yakoulou fi soual as-sadis wa arba'in. 40e question. Faïza yaqila lak ma hiya al-démocratia. Si on te demande, qu'est-ce que la démocratie ? فقل هي حكم الشعب نفسه بنفسه بغير كتاب ولا سنة. Dit, c'est le jugement du peuple par lui-même, sans livre et sans sunna. C'est-à-dire que c'est le peuple qui décide de ce qu'il veut et de ce qu'il ne veut pas. Et cela par le biais d'élections. Il choisit son gouverneur, ou du moins, il choisit, c'est un grand mot. Il a certaines personnes qui lui sont proposées, et il prend, allez, celui qui juge comme étant le moins pire de tous. Mais en vrai, il n'a pas trop le choix, quoi. Et également, ensuite, ils ont des gens qui représentent les gens, des personnes qui représentent les gens par des partis, et qui exposent des lois, et ainsi de suite, qui sont votées pour pouvoir ensuite les instaurer dans le pays. Akada. Alors que le hukm, il est Allah Azawajal. Inna al-hukm lillah. Le jugement ne revient qu'à Allah. C'est pour ça que, quand cela va venir dans la suite, dans notre question, la démocratie, c'est un tarout et c'est le Sheikh Akbar. Yaqulu fi soual as-sabi'a 40. Faiz yaqil lak ma hukmuha. Si on te demande quel est son jugement de cette démocratie. Faqul hiya shirkun akbar. C'est de la grande association, on va dire plutôt majeure. Et la preuve, c'est la parole d'Allah. Innal hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Wa qala ta'ala wa la yushriku fi hukmihi ahada. Et que Allah n'associe personne à son jugement. Ça veut dire les lois sont les siennes. On ne peut les changer, ni les abroger, ni les supprimer. Mais il est possible d'instaurer des lois intermédiaires qui ne s'opposent pas ces lois à lui, en fait. Mais les lois de base dans le jugement, ce qu'on appelle la sharia, ce sont les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alayhi sallahu bi ahkam al-hakimin. N'est-ce pas Allah qui est le meilleur des juges? Donc quelqu'un qui viendrait vouloir changer ces lois par lui-même, se rendrait associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, on a déjà parlé du tafsil sur la question de juger par autre lors d'Allah. Quand est-ce que la personne en devient kafira? Et on l'avait expliqué, s'il voit que cela est permis, ou que cela est meilleur, ou que les lois d'Allah azawajal ne conviennent plus à cette époque. Et ghayr dhalik. Et l'auteur parle de la démocratie car c'est actuellement le régime qui est le plus répandu dans le monde. Mais si on regardait bien comment les gens se comportent avec la démocratie, il n'y a personne qui est satisfait en fait. Les gens ne sont jamais contents, mine de rien. Ils prônent pour ce régime qui en réalité ne fait que causer l'insatisfaction du peuple, de façon générale. Tout le temps ils manifestent, tout le temps ils contestent, tout le temps ils protestent. Donc voilà. Et aussi, cette démocratie, ça amène... ça va venir après dans la question d'après, Inch'Allah. Thumma yakoulu fi soual al-thamin al-arba'in. Faizya qila lak ma hakikatu l'antikhabat. Si on te demande, quelle est la réalité des élections? Faqoul هي من النظام الديمقراطي المنابذ لشرع الله الحق ويتشبه بالكفار والتشبه بهم لا يجوز وفيها ضرر كبير وليس فيها أي نفع ولا أي فائدة للمسلمين ومن أهم أضرارها مساواة الحق بالباطل والموحق بالمبتل حسب الأكثرية تضييع الولاء والبراء تمزيق شمل المسلمين وإلقاء العداوة والبغضاء والتحزب والتعصب بينهم والغش والخداع والاحتيال والزور وضيع الأوقات والأموال وإهدار حشمة النساء وزعزعة الثقة في علوم الشريعة الإسلامية وأهلها. Dit cela fait partie du système démocratique, c'est-à-dire ces élections. Elles sont à base le fruit de la démocratie, qui s'oppose à la législation d'Allah, qui est elle et la vérité. Et c'est dans la ressemblance aux mécréants. C'est-à-dire cette élection, c'est une chose qui ne vient pas de l'islam, c'est les koufars qui l'ont mis en place. Et donc, employer ce procédé viendrait à le ressembler. Et le ressembler est une chose qui n'est pas permise. Et cela contient beaucoup de préjudices. Et il n'y a aucune utilité de profit pour les musulmans. Et parmi ces graves préjudices, l'équivalence du vrai avec le faux. Parce que demain, si une loi est proposée, qui est complètement fausse, qui s'oppose totalement à la charia, et ben les gens seront en droit de la choisir ou pas, alors qu'à la base, il n'y a même pas de droit, c'est une chose qu'ils ne doivent même pas accepter. Donc là, on égalise entre le vrai et le faux. Et celui, il y a une égalité entre celui qui est du côté de la vérité avec celui qui est du côté du faux. Et ça, c'est une chose qui n'est pas acceptée en islam. Allons-nous faire des musulmans comme les criminels? Qu'avez-vous? Comment est-ce que vous vous jugez? Et dit, ne sont pas égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Donc les ignorants et les savants ne sont pas égaux. Les gens ne sont pas égaux en islam. Quand on dit ils ne sont pas égaux, au point de vue de leur valeur, ils n'ont pas la même valeur. Donc leur poids, leurs avis n'ont pas le même poids. Summaqal, tout cela par rapport à la majorité, c'est-à-dire que c'est la majorité qui l'emporte. Si la plupart des gens choisissent une chose, ça veut dire que cela est faux et bon, alors qu'on sait très bien que la majorité en islam n'est pas une preuve. Si jamais tu suis la plupart des gens qui sont sur terre, ils t'égareront du sujet d'Allah Azzawajal. Et cependant la plupart des gens ne savent pas. Donc combien de versets où Allah Azzawajal vient pour blâmer la majorité des gens? D'ailleurs la majorité des gens seront au feu. Et les koufars sont plus nombreux que les musulmans. Et les gens désobéissants sont plus nombreux que les gens pieux, les gens craintifs. Donc cette aksariya, elle n'est louable que lorsqu'elle est sur la vérité. Sans quoi, dans la plupart des cas, elle est sur le faux. Et la démocratie se base là-dessus. Fumakal, cela également engendre la disparition de l'alliance et des aveux. On va dire les vraies alliances et des aveux. Car les gens vont s'allier pour une chose qui ne le mérite pas. Ils vont se désavouer pour les choses qui ne le méritent pas. Comme cela va venir dans la question sur la hisbiya, sur le sectarisme. Cela amène à l'éclatement de l'union des musulmans, car à la base on doit s'unir. Et le fait de voter, chacun va donner son avis, donc ça va nous diviser. La propagation de l'unanimité et la haine entre les gens, car cela nous divise. Toi tu as un avis, moi j'en ai un autre. Si jamais ton avis l'emporte, eh bien cela me causera à moi une déception et peut-être de la colère ou de la révolte ou autre, car je verrai que ton avis est peut-être préjudiciable pour la Ummah. Et pourtant il aurait été voté, il aurait été accepté. Ça va m'amener à quoi? À prendre en moi de la haine. Et malheureusement, souvent cette haine se reflète par de la violence dans de beaucoup de pays et dans de beaucoup de circonstances. Cela également amène au fanatisme et des partis, et de la tromperie. Vous savez très bien que les gens, quand ils appellent à voter, ils amènent un beau discours pour être choisi, pour être élu, chose qu'ils ne respectent pas par la suite. Leur but, c'est d'avoir le plus de voix possible. Donc ils te disent ce que tu veux entendre. Une fois qu'ils ont dit ce qu'ils voulaient, ils te délaissent. Comme Shaitan. Quand tu dis ce qu'ils voulaient, ils te délaissent. Eux, c'est pareil. Donc ça amène à la tromperie, à la perfidie et à la fraude, au mensonge, et à la perte de temps et d'argent. Ainsi qu'à l'humiliation de la pudeur des femmes. Alors les femmes, elles sortent pour aller voter également. Certaines s'exposent pour être élues même, et autres. et l'ébranlement de la confiance en ce qui concerne les sciences de la législation islamique et des savants. Car les savants, eux, mettent en garde contre cela. Donc les gens disent, ils ne connaissent rien, ils ne connaissent pas l'actualité, ce qu'ils disent n'est plus à jour, ce qu'ils disent n'est pas une solution, ainsi de suite. Donc ça amène à perdre confiance en eux. Et les gens se tournent vers les hommes politiques, qui au final, ce sont eux qui vont les décevoir. Ça, c'est inévitable. Non. Mais le fait de dire que nous sommes contre la démocratie ne veut pas dire qu'on se révolte contre les gouverneurs qui l'appliqueraient. Mais juste, on n'obéit pas. Quand celle-ci nous appelle à une transgression. Et en France, on ne s'en mêle pas. Ceux qui sont en France, dans le pays de Koufre, d'accord, ils ne s'en mêlent pas, c'est tout. Ils n'ont pas à se rebeller ou quoi. Juste, ils disent, ça ne me concerne pas. Vos élections ne me concernent pas, faites ce que vous avez à faire. Quel que soit le président qui sera élu, de toute façon, il ne va rien apporter à moi de plus. Donc voilà. Et à la base, bien sûr, comme on l'a expliqué, le muslim dans un pays comme la France ne peut pas rester. Et on avait vu une fatwa de Sheref Ozen qui avait été interrogé par rapport à ça, à les élections. Il a dit que c'est des choses qui ne concernent pas. Et on a nul. Ça, c'est une chose, c'est un jugement qui est général. On ne vote ni en pays d'islam, ni en pays de Kouf. C'est pas on dit qu'on ne vote pas en pays de Kouf seulement, mais en pays d'islam. On ne participe pas à ces élections. Ce n'est pas permis. D'accord ? Adam. Summa yakoul fi souel et tassi wa arba'in. Si on te demande quel est le jugement concernant le sectarisme, ce qu'on appelle le tahazzoub, la hizbiya en arabe. Fakoul el hizbiya haram illa hizbollah. On dit que cette hizbiya, le sectarisme, est interdit, sauf le parti d'Allah azawajal. والدليل قول الله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Ne soyez pas parmi les associateurs, parmi ceux qui divisèrent leur religion et se mirent en groupe, chaque parti se réjouissant de ce qu'il avait. وقول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Et accrochez-vous tous au câble d'Allah. Et le câble d'Allah, c'est le Coran, c'est sa religion. On doit se tenir là-dessus. Et ne vous divisez pas. C'est-à-dire qu'en réalité, en islam, ces partis ne nous apportent rien du tout. Ce qui nous unit, c'est Kitab wa Sunnah. Pas besoin de faire des groupes qui appellent à ça, d'autres groupes qui appellent à ça, d'autres qui appellent à ça. C'est tout ce à quoi ils appellent est en relation avec la religion. Ils n'ont pas besoin de faire des groupes pour cela. D'accord ? Maintenant, cela n'exclut pas le travail collectif. Que des gens s'unissent sur un travail particulier qui est permis. Mais il ne faut pas qu'ils basent là-dessus un annonce et un désaveu. D'accord ? Et ils peuvent se spécifier, par exemple, dans une branche pour faire profiter à la Oumma. Mais ce ne sera pas un parti, ce sera un groupe collectif. Comme ça. Des gens, par exemple, spécialisés dans la médecine, ils ont fait un groupe entre eux pour apporter profit aux musulmans dans la médecine. Mais ce qui concerne la régie et la législation et, on va dire, tout ce qui touche aux états civils, ou, je ne sais pas, on peut dire ça comme ça, et aux lois et la direction du pays, cela n'est pas permis. Et les partis ne se résument pas seulement à la politique. Il y a aussi également ce qu'on trouve la bid'a qui est contemporaine, qui est le tahazzoub dans la religion, que les gens se divisent en partis religieux. C'est-à-dire que les gens se mettent à s'allier, font des groupes entre eux, des groupuscules, des gros sectaires, bien qu'eux ne le reconnaîtront pas, et ils s'allient et se désavouent pour une chose à laquelle la religion n'appelle pas. Vous voyez, ils vont se dire pour une personne, ou contre une personne, ou pour une association, ou pour une idéologie, ou pour un projet en particulier, et autres. Des choses à laquelle l'islam n'appelle pas de s'allier et de se désavouer. C'est-à-dire, celui qui n'est pas avec eux, il le prend en ennemi. Et celui qui est avec eux, il s'allie à lui, même si c'est une personne qui a des transgressions, qui a des choses à revoir. Ils vont s'allier avec lui. Donc là, ça rentre dans le sectarisme. Et c'est la bid'a qui est la plus répandue actuellement, en cette époque, au sein des gens qui s'attribuent de la salafia et de la sunna, malheureusement. Et tu ne verras jamais un hizbi te dire « je suis un hizbi ». C'est clair. Jamais il veut te le dire. D'ailleurs, tu verras rarement, hein, tu ne verras même pas un moubtadia dire « je suis un moubtadia », de toute façon. Naam. Wa qu'on Allah wa azza wa jal, « inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun ». Cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique. Et je suis votre Seigneur, alors adorez-moi. Wa qu'on Allah azza wa jal, n'est-ce pas que le parti d'Allah est celui qui réussit? Et c'est quoi le parti d'Allah? Eh bien, c'est justement qui s'accroche, qui aime pour Allah et qui déteste pour Allah et qui s'unissent pour cela. Tout simplement. Alors que les autres s'allient et se désavoue pour des choses à laquelle la religion n'appelle pas d'agir de la sorte. Un peu à la manière des supporters, comme supporters d'une équipe de foot, par exemple. Vous voyez, comme je le souvent comme une image. Ils s'allient tous pour une équipe de foot. C'est quoi leur point de rattachement ? Une équipe de foot. Alors que parmi eux, tu as des gens, ils n'ont aucun rapport dans leur goût, dans leur couleur, dans leur conviction religieuse, dans leur conviction politique, et dans leur conviction culturelle. Mais pourtant, cette équipe de foot les unit. Donc ils vont s'allier entre eux. Alors qu'en dehors du foot, ils vont se détester, ces gens-là. Ils vont s'allier pour cela. Ils vont même se mettre à détester ou à se mettre contre des gens qui ont des affinités avec eux, mais comme ils supportent une autre équipe de foot, eh ben ils vont les prendre en adversaire. Pour une équipe de foot. Alors que ça se trouve, ils ont les mêmes goûts, les mêmes convictions religieuses, les mêmes convictions politiques, mais comme ils supportent pas la même équipe de foot, eh ben ils seront en rivalité. Voilà. Et certains, cette rivalité, elle va jusqu'aux mains, jusqu'à la violence, malheureusement. Et bien ça, en religion, vous le trouvez aussi également. Pour une mosquée, ça se fait. Pour une association, on le voit. Pour une personne, pour un cheikh, pour un prédicateur, pour telle et telle chose. Ça existe même chez nous, malheureusement. Et d'après Abdullah ibn Amr, ibn al-As, radiallahu anhu, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, s'est aftaliq ummati ala salath wa sab'in firqa, kulluha finnar illa firqa wahida. وقالوا وما هي قال من كان لما كنت علي أنا وأصحابي. Il a dit que ma communauté se divisera en 73 groupes. Tous seront au feu, sauf un seul groupe. Et dire, et qui est ce groupe? Au message d'Allah, il a dit, ceux qui sont sur quoi? Je suis moi ainsi que mes compagnons. وهذا الحديث حديث حسن. Et sa parole, tous seront au feu, démontre la situation des innovateurs et la critique qui va à leur encontre. Naam. Maintenant, dire que tous ces groupes sont au feu n'implique pas un jugement individuel sur chaque personne. Tout comme lorsqu'on dit qu'il y a un groupe qui est sauvé, qui est les gens de la Sunna, ne veut pas non plus impliquer que chaque personne qui s'affilie au groupe de la Sunna soit également sauvée en lui-même. Là, on parle de groupes, d'ensemble. Des groupes égarés et un groupe de la vérité. Mais parmi les gens de la vérité, il y a des gens qui font des choses mauvaises et qui risquent d'être châtié. Et parmi les gens dans les groupes égarés, il se peut que certains qui Allah leur pardonne s'ils n'ont pas fait du shirk. Ça, on ne sait pas. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit cautionner la voie sur laquelle il est. On doit la condamner et mettre en garde contre elle. Et conseiller les gens de ne pas la suivre. Si on te demande quels sont les groupes les plus égarés parmi ceux qui se réclament de l'islam. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ce sont des gens qui se disent musulmans alors qu'ils ne le sont pas. C'est ça que ça veut dire. Et ils sont pires que des innovateurs. Ils sont des apostats. Que l'admettent ou pas. Ils ont des croyances qui s'opposent à la religion. Et ils vont se dire, on est musulmans. Ils vont dire, la ilaha illallah. Ils vont faire la salat, le siyam, le hajj, différentes choses. Mais cependant, ils ont des croyances complètement égarées et qui amène à démentir la révélation. فقولهم الباطنية والرافضة والجهمية وغلاة الصوفية. Dit ce sont les Batiniyya. Les Batiniyya, c'est une secte, parmi leurs particularités, qui interprète le Coran en disant qu'il a un sens caché. Que le sens que l'on voit, que l'on lit, n'est pas le sens que Allah Azza wa Jal a voulu. Donc après, ça amène à chacun pour le Coran comme cela l'arrange, et à dire ce qu'il veut, et comme on lui semble. Ensuite, il y a Rawafid. Rawafid, c'est la branche extrémiste des Shia, qu'on appelle les chiites, qui, eux, sont arrivés au stade de diviniser Ali, radiallahu anhu, et de rendre mécréants la plupart des compagnons. Et également, ils en sont arrivés à dire, certains, ils divinisent Ali, et d'autres voient que c'est lui qui devait être le messager, et que Jibril s'est trompé dans la révélation. Et ils ont des diffamations gravissimes à l'encontre du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et à l'encontre de Aïcha radiallahu anha. Naam. Et d'ailleurs, les Houthis actuellement qui font qui causent des conflits au Yémen sont des Rawafids. Ils font partie de ce groupe égaré. Il y a également Al-Jahmiya. Al-Jahmiya, c'est ceux qui traduisent à Al-Jahmi Sofwan, qui a une aqida qui est fasida, qui amène lui à déjà à renier le destin et également à supprimer et à retirer Allah Azza wa Jalla de ses noms et de ses attributs. Car cela, pour eux, amène à faire ressembler Allah sa créature. Donc même ses noms, ils le refusent et ses attributs, ils le refusent. Ils disent que ce sont juste des mots dans le Coran comme ça. Non. Donc ces gens-là sont des sectes, aujourd'hui, qui sont les pires, les plus égarés parmi ceux qui s'affilient à l'islam. Mais ils ne font pas partie de l'islam. Et il y en a d'autres. Et il a dit également, relate soufia, les soufis extrémistes, ceux qui divinisent leur mashayikh, qui disent que leurs mashayikh ont une part dans le contrôle du cours des choses de la création, que leurs mashayikh entendent ce que les autres n'entendent pas, qu'ils ont une part de rububiya et de ubudiya, ils font la demande de secours auprès d'eux, et différentes choses, et plein d'innovations. Ils égorgent pour autre que Allah, ils invoquent autre que Allah, et ils font plein de choses qui sont vraiment considérées comme étant de la ridda pure, du shirk pur. Pourtant, ces gens-là vont dire « La ilaha illallah » et ils vont faire la salat. À part certains d'entre eux, certains d'entre eux voient qu'ils ont déjà atteint un stade où la salat ne sera plus obligatoire. Ils voient qu'ils ont atteint la yaqin, comme on dit, comme dans le verset « Wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin » et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et comme vous le savez, la yaqin dans ce verset, c'est la mort. Et eux, ils voient non. C'est un niveau de la foi qui fasse que, quand il a été atteint, la personne n'est plus mukallaf, n'est plus sous les charges des impositions religieuses. Il fait ce qu'il veut. Il est considéré comme étant un wali, un allié d'Allah Azzawajal, alors que c'est un allié de shaitan. En réalité, ça devient un kafir. Donc on trouve ça chez qui ? Chez les soufis. Maintenant, on ne dit pas qu'ils sont tous comme ça, mais leur extrême amène à cela. Non. Donc voilà ce qu'on a pris aujourd'hui comme dernière question relative à ce chapitre qui touche à la croyance et au tawhid. Et à partir de l'ouze prochain, Inch'Allah, on commencera dans la partie de jurisprudence. Et probablement que le ders qui était prévu pour le jeudi sera finalement, se déroulera finalement le vendredi, Inch'Allah. Et je vous en informerai. Bismillah ta'ala. Fabien d'accord, n'actafi, walhamdulillah rabbil alamin.